Ainsi, dans l'article Histoire de son dictionnaire philosophique portatif, paru en 1764, Voltaire écrit: Il n'y a peut-être qu'une règle sûre, c'est de croire le bien qu'un historien de parti ose dire des héros du parti opposé, et le mal qu'il ose dire des chefs de son propre parti. Et encore, si les témoignages d'adversaires s'accordent, ils sont vrais. S'ils se contrarient, doutez. Voici maintenant deux extraits de sa correspondance. Le premier dans une lettre d'Argenson, 1740. On n'a fait que l'histoire des rois, mais on n'a point fait celle de la nation. Il semble que pendant 1400 ans, il n'y ait eu dans les Gaules que des rois, des ministres et des généraux. Mais nos mœurs, nos lois, nos coutumes, notre esprit ne sont-ils dans rien? Et en 1735, il avait déjà écrit à son ami Thieriot. J'aimerais mieux des détails sur Racine et Despréaux. Despréaux, c'est Boileau. Sur Quinault, Lully, Molière, Lebrun, Bossuet, Poussin, Descartes, etc. que sur la bataille de Steinkerque. Il ne reste plus rien que le nom de ceux qui ont conduit des bataillons et des escadrons. Il ne revient rien au genre humain de 100 batailles données. Mais les grands hommes dont je vous parle ont préparé des plaisirs purs et durables aux hommes qui ne sont pas encore nés. Une écluse du canal qui joint les deux mers, un tableau du Poussin, une belle tragédie, une vérité découverte sont des choses 1000 fois plus précieuses que toutes les relations de campagne. Vous savez que chez moi, les grands hommes sont les premiers et les héros les derniers. J'appelle grands hommes tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou dans l'agréable. Les saccageurs de province ne sont que héros.